Bonjour, donc je suis journaliste et là aujourd'hui je couvre cet événement international. Pour moi c'est très intéressant de défendre les droits de l'homme. Pour moi c'est évident de défendre et comme journaliste ça fait vraiment honneur à ma profession et à ma personne de couvrir un événement international qui joint tous les défenseurs des droits de l'homme. Car c'est évident de vivre dans une société où on a vraiment, on se sent homme humain avec un grand H et c'est tout.